La figure du confesseur royal et la question de son rôle dans les cours catholiques à l'époque moderne a suscité et suscite toujours beaucoup d'intérêt parmi les historiens, et surtout dans les dernières années. Et cet intérêt se heurte à plusieurs problèmes. D'un côté, le secret de confession, qui ne peut pas être levé, même avec des outils historiques les plus sophistiqués. Et de l'autre côté, et probablement pour la même raison, les mythes qui entourent le confesseur et le rôle des confesseurs qui y fleurissent depuis des siècles. Mon approche ici est un peu différente. Je ne m'occuperai pas trop de l'influence des confesseurs sur les décisions politiques, mais j'essaierai de m'approcher de leur conception normative de la fonction qu'ils exerçaient. Alors, qu'est-ce que c'était un bon confesseur royal? Comment déligner son champ d'action? Donc, une enquête en ce sens aussi n'est pas sans problème. Alors, si l'époque moderne a connu une abondance de traités sur le bon courtisan, le parfait secrétaire, le bon confesseur royal ne fut jamais vraiment l'objet de traités spécifiques. Je dis ça maintenant, mais je vais vous dire que c'est peut-être différent, on peut le voir différemment. Et ce n'est pas un hasard que le traitement le plus exhaustif qu'on trouve sur le bon confesseur royal se trouve chez Bellarmin, dans son livre sur le prince chrétien de 1619, et sur lequel je reviens tout de suite. Le problème aussi de la fonction du confesseur, c'est selon, on peut dire qu'une fiction soutient le rôle du confesseur royal, selon laquelle il était un confesseur comme un autre, auquel s'appliquaient les normes du juge et docteur du fort intérieur développées par la théologie morale en général. Implicitement aussi, cela faisait du roi un pénitent simple, comme un autre, avec la spécificité pour autant que sa conscience était double, à la fois politique et privée. Et ceci est très développé dans la théologie morale. Donc, avec l'ascension de plus en plus nette des théories de pouvoir absolu et du droit divin, cette fiction, je pense, devient problématique, et de plus en plus problématique. Ainsi, le fait que l'ascension des confesseurs royaux comme conseillers à l'époque moderne n'était pas accompagnée par une production normative consistante, crée des problèmes, et peut-être à l'origine de l'impossibilité de définir vraiment le rôle sans susciter tout de suite des contestations et polémiques. Donc, d'un point de vue institutionnel, on constate que tout au long du XVIe siècle, les confesseurs se détachent de plus en plus du cadre de la chapelle royale, donc d'un corps, si vous voulez, d'une maison, sans trouver une position très claire dans la maison du roi ou dans le gouvernement. Le confesseur devient ainsi une figure plutôt isolée, dépendante du roi, auquel il était appelé, du roi ou de son entourage, alors mais hautement politisé, si vous voulez. Et c'était problématique, car il était évident que cette fonction n'avait pas de caractère privé. Je viens de le dire, la théologie morale est très ferme là-dessus. Les péchés de la personne publique étaient même plus importants que les péchés privés, d'une certaine façon. Et le confesseur devait toujours s'assurer que la confession soit complète avant d'absoudre son pénitent. Donc le détachement institutionnel du confesseur de la chapelle royale d'un côté, ainsi que la définition de la conscience royale comme double, amène à l'époque moderne à une situation où beaucoup de monarchies catholiques intègrent les confesseurs dans les structures de conseil politique d'une façon ou d'une autre. Seule exception, c'est la France, où les confesseurs ont jamais participé formellement aux conseils royaux. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'ait pas exercé des fonctions de conseil. Donc l'exception française ne s'explique pas seulement par l'avènement des jésuites, parce que les jésuites ont créé des normes pour leurs confesseurs qui agissaient dans des cours. Et depuis 1608, l'ordre des jésuites avait limité, au moins dans ses normes, les activités politiques. Mais ils avaient dit que la fonction du confesseur royal était limitée à la conscience royale. Mais la conscience royale était très vaste, elle était double, elle était politique et privée. Mais cette exclusion française des confesseurs donc, ne tient pas au fait que les Depuis Henri IV, les confesseurs étaient jésuites. Même avant, quand les dominicains monopolisaient la fonction, ils n'étaient jamais des conseillers. En Espagne, par contre, où les dominicains ont dominé dans leur rôle des confesseurs royaux, et ils ont souvent participé aux conseils royaux, mais les frères prêcheurs, au moins que je sache, n'ont jamais produit des normes pour régler leurs confesseurs. Et je trouve que c'est donc un peu bizarre que les historiens ont ainsi tendance à facilement opposer une France laïque avant la lettre à un modèle autrichien-espagnol où la politique se serait soumise à l'emprise des religieux. À mon avis, cette vision méconnaît l'effet de l'institutionnalisation. En fait, en intégrant les confesseurs dans les conseils, en reconnaissant l'impossibilité de séparer le politique et le religieux d'une certaine façon, on rend plus transparents les critères de conseils religieux et politiques, et donc plus contrôlables. On pourrait dire que dans le modèle espagnol, l'absence de normes spécifiques ne gêne pas autant parce que les confesseurs sont en permanente interaction avec les autres conseillers et actualisent et recréent constamment les cadres normatifs du Conseil au roi. De l'autre côté, le vide institutionnel et aussi le manque précis d'un corpus normatif à régler les confesseurs en France créent une tension permanente entre l'idée ou l'idéal d'un prince chrétien et les exigences de la politique. Comme je viens d'évoquer, ce fut Bellarmin qui s'occupa systématiquement du confesseur royal à l'intérieur de son traité des devoirs du prince chrétien. Et ce n'est pas surprenant que pour Bellarmin, le confesseur fait partie de l'hiérarchie pyramidale du pouvoir ecclésiastique qui soumet indirectement les âmes des chrétiens à l'Église. Les modèles que Bellarmin évoque dans son chapitre sont ceux qu'on connaît depuis le XIIIe siècle, quand le sacrement de la pénitence a été consolidé au concile du Latran, au quatrième concile. Le confesseur est docteur et juge. Dès le départ, ces deux modèles cohabitaient très difficilement. Le modèle du médecin, fortement lié à l'aspect charitable du sacrement, impose l'observation discrète du malade, du pénitent, la patience et un procédé empathique. Sans ces qualités, le médecin n'arrive pas à faire un diagnostic ni à soigner son patient. Le juge, de l'autre côté, renvoie à l'aspect pénal, surtout à un mode de procédé beaucoup plus invasif, si on veut, perturbant, voire même à l'interrogatoire ou à l'inquisition. Donc le débat était très vif parmi les théologiens sur lequel des deux côtés il fallait insister, mais on peut dire que de façon générale, les jésuites ne penchaient pas du tout du côté pénal. Mais Bellarmin, dans son traité, souligne l'aspect judiciaire pour prévenir que les confesseurs se laissent intimider par le pouvoir de leurs pénitents. Rappelant que pour être juge, il faut être incorruptible, il exige le courage, la droiture d'esprit et surtout de tenir la distance avec le monde des courtisans. Ce dernier point, l'idée du confesseur comme anti-courtisan, est d'une grande importance pour Bellarmin. Mais il ne l'approfondit pas. Ceci est surprenant parce que, à l'intérieur de la compagnie de Jésus, il y eut des grands débats autour du comportement holiciste, comme c'était dit, des pères jésuites, des confesseurs jésuites notamment. Et beaucoup de pères jésuites étaient convaincus que le service auprès des monarques endommageait la réputation de l'ordre et qu'il serait préférable de ne plus accepter ces rôles. Ce problème de la transformation du confesseur en courtisan n'était pas limité aux discussions jésuites. On voit en Espagne, chez Francisco de Quevedo, dans son ouvrage « La Política de Dios », publié en 1629, mais rédigé bien avant, qu'il propose, en contre-exemple, si vous voulez, le modèle du prophète pour l'opposer à la flatterie des courtisans et des favoris néfastes qui corrompent le pouvoir royal. Et Quevedo évoque ici le prophète Micaïa comme exemple à suivre. Et c'est un prophète qui a beaucoup souffert à cause de sa position critique envers le roi Ahab et qui se trouva ensuite éloigné, humilié, emprisonné. Donc l'histoire de Micaïa rend clair que le modèle du prophète est un prophète qui n'est pas un rêveur ni un support de légitimation du pouvoir royal, Et il se distingue des autres conseillers du roi par son attachement inébranlable, si vous voulez, à la vérité divine, sans concession aux convenances sociales et sans peur des conséquences. Le modèle du confesseur que Quevedo évoque est le modèle d'un homme qui souffre, d'un homme seul, qui n'abandonne jamais sa mission de vérité. Le fait même que Quevedo se sentait appelé à choisir l'exemple du prophète Micaïa suggère que, selon lui, Quevedo, les confesseurs qu'il voyait agir ne correspondaient pas du tout à cette mission ni à ce modèle. Mais le modèle du confesseur prophète fut très important. Et il était approfondi quelques années plus tard par l'ex-confesseur, on peut dire, Nicolas Cossin, un jésuite, confesseur de Louis XIII, qui a été rapidement éloigné de la cour par Richelieu en 1637, quand le confesseur s'est distingué, pas par un excès de flatterie, mais à cause de son excès de zèle, on peut dire, qu'il avait amené à critiquer ouvertement l'engagement français aux côtés des pouvoirs protestants dans la guerre de 30 ans. Et, surtout, la politique, je cite, « tyrannique » du cardinal. Donc les conséquences de cette prise de position étaient dévastatrices pour le confesseur, qui était aussi un très fameux auteur. Il était lâché par son ordre et il se vit exilé en Bretagne pendant 6 ans avec l'obligation de se taire et de s'abstenir de toute publication. Donc, muselé, il passait toutefois son temps à écrire et surtout à remanier l'ouvrage pour lequel il était devenu fameux, hein, La Cour Sainte. Et à la fin de son exil, il republia cette version remaniée en ajoutant des chapitres importants. Et La Cour Sainte était un ouvrage rempli de bons exemples pour amener les hommes et femmes de cour à conduire une vie chrétienne. Et les ajouts, les exemples ajoutés dans les éditions post-exil sont des exemples pour les hommes de Dieu, comme il dit, qui servent à la cour. Et tout particulièrement les confesseurs royaux. Et donc on voit comme exemples qui sont cités ici les prophètes, Élie, Élisée, Ésaïe, Jérémie, aussi Saint Jean-Baptiste qui, selon la théologie, est le dernier des prophètes. Et dans la galerie, cette galerie des prophètes se conclut avec un chapitre sur Sénèque et Saint Paul à la cour de Néron. Donc ces vies de prophètes présentées par Cossin ne sont pas des traductions d'extraits bibliques, mais des manipulations, si vous voulez, des petits contes, hein, qui permettent d'examiner de façon ciblée des situations et problèmes que le confesseur peut rencontrer. Alors, au fil des pages, il devient clair que les épisodes permettent de refuter les accusations de Richelieu et de donner une interprétation rectifiée de sa tâche, du confesseur. Donc, ceci commence avec le modèle du prophète lui-même. Contrairement à l'intuition spontanée qui situe le prophète en opposition à la cour, Cossin revendique une tradition biblique selon laquelle le prophète fait partie de la cour. Par exemple, il introduit le modèle de Élie avec les mots « c'est un courtisan merveilleux ». Et il revendique ainsi une légitimité de sa présence constante auprès du monarque. Le prophète est un courtisan légitime qui n'a rien à voir avec les courtisans normaux. La cour est son habitat naturel, mais il n'est pas un flatteur, il n'est pas faux. Et à plusieurs reprises, il est ainsi contrasté avec les autres prophètes de cour, les autres favoris. Et le prophète confesseur se distingue par la fidélité envers Dieu et envers le monarque. Et c'est aussi quelqu'un qui, nonobstant les adversités, les souffrances constantes, n'abandonnent jamais leur tâche. Donc, les exemples que Cossin présente préparent le confesseur à affronter un travail très ingrat. Ils aident à la préparation d'une future fonction ou à la consolation suite à des expériences éprouvantes, ou voire même l'exil et la disgrâce. Et en ce faisant, en lisant les exemples que Cossin présente, on peut se fortifier spirituellement. Mais quels sont les cas problématiques qu'il analyse? Et là, on peut nommer 3. C'est le pouvoir arbitraire, voire tyrannique, le problème du maintien de la religion et le problème de la guerre. Et les deux derniers sont souvent liés. Je ne veux pas montrer ici dans les détails comment il traite les problèmes d'exégèse biblique, mais ce que je veux souligner, c'est que Cossin n'utilise jamais les exemples de l'Ancien Testament pour justifier la guerre religieuse. Et c'est très important dans le contexte du temps, hein, où très souvent l'exemple de l'Ancien Testament est pris pour justifier la guerre religieuse, voire sainte. Sans être pacifiste, hein, il ne nie pas la légitimité de la guerre, hein, mais le rôle du confesseur n'est pas du tout à appeler à la guerre, mais le rôle est celle d'un pacificateur, et qui s'oppose aussi à ce que la vraie religion soit imposée par la force. Donc, c'est important par rapport à ce que Cossin avait proposé lui-même. Donc, il était opposé à l'engagement dans la guerre de 30 ans, non parce qu'il était en faveur d'une guerre contre les hérétiques, mais à cause du préjudice qu'une telle alliance avec les protestants portait à l'Église. Ainsi, il ne nie pas du tout que les alliances avec les ennemis de la foi peuvent être légitimes. Hein ? Et en fait, la théologie morale ne nie pas du tout que ça soit légitime. Mais il émet un jugement très sceptique, hein, quant à l'idée des zélotes que Dieu interviendra toujours du côté de son peuple. Et dans le même élan, Cossin élimine et a tenu toutes les références qui se trouvent dans la Bible, qui sont des références au massacre. Hein. Ainsi, dans un épisode où le prophète Élisée assiste le roi idolâtre Jéhoram dans la guerre contre les Syriens, le prophète s'oppose au massacre des soldats syriens, car le prophète, selon Cossin, je cite, anticipe la loi de la charité de l'Évangile. Même si Cossin manipule énormément et fortement les exemples bibliques, le modèle prophétique en soi n'est peut-être pas tout à fait surprenant. Ceci n'est pas vrai pour le modèle de Sénèque, hein, avec lequel il conclut ses exemples. Il y a bien une cohérence structurelle entre le prophète et le sage, mais l'exemple de Sénèque est très problématique. Les néo-stoïques comme Lips et Quevedo s'intéressaient à l'époque à Sénèque, surtout à cause de sa philosophie qu'il tendait à christianiser. Et Cossin suit cette interprétation christianisée de Sénèque. Mais il ne rentre pas du tout dans les aspects philosophiques de l'œuvre de Sénèque. Ce qui l'intéresse, par contre, c'est la personnalité du philosophe. Et ça, c'est une chose très risquée. Car la vie de Sénèque, même si on fait abstraction de la question de son suicide, comprend nombreux aspects peu flatteurs. Il était réputé d'hypocrisie, d'avarice, d'ambition politique. Et pire encore, il n'avait pas su empêcher la tyrannie de Néron. Et en regardant le bilan de Sénèque, on constate son échec épatant à moraliser le pouvoir, même si ça peut-être pas été son ambition. Alors, pourquoi Cossin choisit-il un exemple si problématique pour parler au confesseur ou sur le confesseur ? Et je pense que la réponse est peut-être double. Sénèque lui permet de répondre aux critiques anti-jésuites. Les accusations contre les pères de la compagnie, et notamment les confesseurs, sont très semblables à celles contre Sénèque. La comparaison n'est pas flatteuse d'ailleurs, mais vise dans les deux cas la supposée corruption courtisane des comportements et la vanité intellectuelle. Donc en réfutant point par point les accusations contre Sénèque, l'homme, et dans cela il reprend un travail de contextualisation historique de Montaigne, Cossin rétablit la crédibilité de l'engagement des confesseurs comme guide spirituel. Dans un deuxième temps, l'apologie de la vie de Sénèque lui permet aussi de dénoncer les limites de l'adaptation utilitariste du néo-stoïcisme par les conseillers royaux européens. En fait, Cossin ne nie pas du tout l'échec du philosophe comme conseiller, tout au contraire, il le souligne au fil des pages où il énumère les qualités. Donc la philosophie aux allures chrétiennes, sa rectitude d'intention, etc., tout cela, à la fin, ne prévient pas du tout l'échec et la disgrâce. Alors, pourquoi ? Selon Cossin, la philosophie toute seule ne suffit pas pour changer le monde, il faut être un homme de Dieu. Donc, avec ce diagnostic, Cossin émet des réserves, hein, semble-t-il, à l'usage contemporain du néo-stoïcisme comme soutien aux théories de raison d'État et à la séparation des problèmes de conscience, des problèmes de politique. Donc c'est la revendication de la légitimité et même de la nécessité du conseil de conscience du confesseur en tant qu'homme de Dieu. L'œuvre de Caussin a bien des caractères d'exercice spirituel. L'ouvrage tout entier a eu un grand succès tout au long du VIIe siècle et j'ai vu beaucoup de réimpressions de la Cour sainte de Caussin en Espagne au XVIIIe siècle et très très tard dans le XVIIIe siècle. Mais je pense que son cible dans ses chapitres ajoutés des confesseurs, bon, il a raté un peu son coup là parce que après la paix des Westphalie, on voit comment les confesseurs sont retirés systématiquement des conseils comme conseillers politiques. Ils restent à la cour comme confesseurs, mais leur charge n'est plus tellement de conseiller le roi. Et donc, pour conclure, je voulais voir rapidement l'exemple espagnol tardif, quand les confesseurs ne font plus partie des conseils royaux, où nous trouvons un texte d'un carmélite originaire du royaume d'Aragon, Andrés Capero, qui élabore un texte pour consoler un confesseur qui a été disgracié. Ce confesseur, c'est le dominicain Thomas Carbonel, disgracié à deux fois. Et donc, autour de 1686, nous pouvons situer ce texte. Comme pour Caussin, donc l'occasion de l'écriture du texte est la disgrâce du confesseur. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le confesseur lui-même. Donc, qu'est-ce que fait l'auteur pour conseiller le confesseur? Donc, la première chose qu'on constate, bien qu'il rappelle les exemples de Caussin notamment, mais aussi d'autres grands théologiens et confesseurs royaux espagnols, comme Cisneros et Domingo de Soto, c'est que la théologie morale est disparue du conseil, on peut dire, au confesseur. Donc, ce que Capero ressemble ici, c'est une liste de recommandations littéraires pour le confesseur où la théologie morale n'a plus de place. Ce qu'il évoque, par contre, c'est un autre monde. C'est le monde de la première chrétienté et de quelques auteurs choisis du Moyen Âge. Donc, les auteurs que Capero choisit évoquent ainsi des passages entiers de Saint Ambroise, de Lucifer de Cagliari, de Siste, du pape Siste, Saint Siste, Facundus de Hermione, Pierre Damien, Bernard de Clairvaux, Pierre de Blois. Et on voit clairement, par les citations qu'il fait, que Capero a eu à sa disposition des éditions, des premières éditions de ces auteurs qui ont été faites en France au cours du XVIe et XVIIe siècle. Donc, de l'histoire ecclésiastique et de la patristique. Donc ce changement de référence qui est important propose un autre modèle au confesseur. C'est l'intérêt au père de la chrétienté et il focalise le regard sur les premiers évêques et sur la perfection monastique. Je pense que ainsi le modèle se cléricalise et en même temps l'auteur revitalise un héritage historique de la construction hiérarchique de l'Église et de son magistère. Donc, selon Capero, il ne s'agit pas tellement de savoir résoudre des problèmes de conscience à travers un raisonnement scolastique sophistiqué pour être un bon confesseur, mais il faut être imbu d'un ethos, d'un habitus qui reflète le dynamisme de la première Église, de l'Église militante, et très souvent, et c'est important, opposé au pouvoir royal. Alors, juste un exemple, une des références qu'il évoque, c'est Lucifer de Cagliari, un évêque sarde du IVe siècle, un personnage aujourd'hui complètement oublié, mais au XVIIe siècle, en plein débat, parce qu'on débattait de sa béatification. Les ouvrages de Lucifer ont été publiés en 1568 par Jean du Tuillet, l'évêque de Meaux. Et les écrits de Lucifer sont d'une violence assez remarquable contre le pouvoir impérial. Ainsi, Lucifer s'attaque contre Constantius pour son soutien à l'arianisme. Il dénonce l'empereur comme antéchrist. Lucifer développe aussi des idées tyrannicides et finalement, il était l'auteur d'un traité contre toute association avec les hérétiques, des non conveniendo cum hereticis, qui est d'ailleurs cité dans Ribadeneira. Donc Lucifer est le détracteur par excellence du pouvoir temporel. Et cette virulence et violence de son discours était telle que ça passait presque plus au XVIIe siècle. Donc la campagne de béatification se heurte à ce discours. Mais Capello insiste fortement sur le modèle de la confrontation de ces premiers évêques avec les empereurs pour arriver à un point fondamental. Le confesseur doit défendre la pureté de la foi et surtout les privilèges ecclésiastiques, l'immunité de l'Église contre le régalisme rampant en Europe. On peut supposer que Capello connaissait bien la situation française qu'il présente en épouvantail de ce qui peut survenir en Espagne, ou ce qui était peut-être déjà survenu. Donc le radicalisme idéologique des références ne peut pas voiler le fait que le modèle du confesseur présenté ici est tout de même un rétrécissement du rôle original. Ce n'est plus le conseiller en toute matière privée et publique, le guide spirituel, même plus le prophète, mais au contraire un représentant de l'Église, le porte-parole des intérêts ecclésiastiques. Donc il semble plus concerné avec la purification de l'habitus du confesseur, donc sa cléricalisation, qu'avec les problèmes de conscience royale, qui ne figurent pas vraiment là-dedans. Donc cette cléricalisation du confesseur est conflictuelle dans ses sources, mais dans sa réalité peut-être moins controversée, même si on peut douter du succès. J'arrive à ma conclusion. Donc l'office du confesseur royal reste très mal défini tout au long de l'époque moderne. Et les normes qui guident les confesseurs sont vagues. Le juge du fort spirituel, du fort intérieur, le docteur de l'âme, etc. Et donc les normes qui se trouvent, on les trouve dans la casuistique et dans la théologie morale. Et celle-ci repose sur une culture de conseil. Donc l'émergence du confesseur comme conseiller de la conscience a été inégale entre les différentes monarchies. Et la rareté des réflexions approfondies sur les cadres normatifs laisse supposer qu'autant que les confesseurs étaient intégrés au conseil, leurs activités et leurs raisonnements n'étaient pas en soi problématiques. Cette situation peut expliquer peut-être, c'est une hypothèse, pourquoi les idées normatives concernant le rôle du confesseur s'expriment toujours en crise et tardivement. En France, en absence institutionnelle d'une intégration du confesseur, c'est la crise de l'affrontement entre Cossin et Richelieu qui font que Cossin exprime ses idées. Et qu'il exprime ses références normatives. En Espagne, c'est le moment très tardif où les confesseurs ne sont plus appelés de façon régulière dans les conseils. Je dirais donc que c'est la crise du rôle du confesseur qui appelle les religieux à préciser leurs conceptions, leurs normes et modèles. Donc les normes sont rarement précisées en amont, mais en aval des expériences, du vécu, et très souvent en opposition de ce qu'on a vécu. Merci.